Dans ma bulle sans j'adule, paranoïa au max, imaginant ces pans de différents gens, sensations étranges, pulsions de danse, fiction, sixième sens, un thème et c'est de France, trop d'équerre adolescent, douce France, la frousse comme mon enfance, le pauvre non le quasi mode dieu de mio, caille cabrona, yo cojo caille, défoncé, désigné pour dessiner, luxure en femme, juste en mon âme, je débarque en Espagne, Floriana déclare, vous êtes là au campagne. Inch'Allah, une chasse m'accueillera face à face. Langage sauvage, rare, rage à cet âge. En mes pages, moins sage qu'on a pétasse, mythomane, buena état. Moi, toxicomane, un gars super naze. Vas-y, maricona, garde tes faces. Moi, marijuana, là, en extase. Sur la base, fou des as, je trouve au slash. Lavage, j'étage, fracasse. Blague et drague, des drogues en vogue. Mais je cogne au charme. Madame la flamme, excuse-moi, j'ai parfois faille mentale. Porto culpa, hija puta, anda ben loca. Avant d'écrire, j'ai teasé, putain de sa mère, je suis bourré. Avant d'écrire, j'ai fumé, putain de sa mère, je suis foncé. Avant d'écrire, j'ai teasé, putain de sa mère, je suis bourré. Avant d'écrire, j'ai fumé, putain de sa mère, je suis foncé. Si mon esprit tourne de pisse, fils, je suis en crise. Oui, je balise, baptise au pire, prise de ligne fine, de cocaïne en narine. Non, oublie, oui, teen, mes nuits sont tragiques. Puis je me réfugie dans la musique, stylo bic, pratique, l'écrit illicite quand le shit s'y implique. Smoke et teach, juste véridique, tactique et technique, une éthique, périque, kinique, ma clique. Bébé, fille, ma magie six, ha, bibi, photographie six, slim, stream mes rimes, et frites de flic, des vite de flic, oui, je dis que les flics après une bonne prise sont libres, ha, je tire, écrire et rire, nous, flow, flow, c'est écrire, et oui, les filles sont magiques, magnifiques, oui, elles excitent ma bite est maligne, elle glisse entre mes babines, je délire sans string, grand street, j'invite une fille, quoi lui dis-je, un verre de vigne, on s'enquille, rime de speed, fruit de weed, ta bite sexy, t'excite les tripes, je retire mon slip, puis suce ma bite et je suis prothétique. Avant d'écrire, j'ai teasé, putain de sa mère, je suis bourré. Avant d'écrire, j'ai fumé, putain de sa mère, je suis foncé. Avant d'écrire, j'ai teasé, putain de sa mère, je suis bourré. Avant d'écrire, j'ai fumé, putain de sa mère, je suis foncé. Clé de sol, frérot, comme l'os, tados, mix, des dos, tiens-moi mes soldados. Latin 95, espin joint, parle avec les mains, ennemi, pays, femme, les vins. Soy un tío un poco raro, un tío barrio espario, ¿no, coño? Estamos con unos amigos míos fumándonos porros. Estamos en el coche, andamos por la noche. Contamos con porro en la mano y borrachos. Cago en Dios, ahora estamos al lado del río. Vamos al bar, me dicen que está en el barrio malo. Llegamos, ¿qué coño vamos a tomar? Nuestros cubatas pidemos, borrachos y morados salimos. Nos encontramos con dos gitanos, hablamos. ¿Qué coño va a pasar? Son majos, menos que nos venden cocaína. Unos billetes y hasta la pizza, hoy se nos acaba. Vamos a un pueblo que está de fiesta, ¿verdad? Avant d'écrire, j'ai teasé, putain de sa mère, je suis bourré. Avant d'écrire, j'ai fumé, putain de sa mère, je suis foncé. Avant d'écrire, j'ai teasé, putain de sa mère, je suis bourré. Avant d'écrire, j'ai fumé.